Lettre 29e, Agathoclès à Phocion, Nicomédie, novembre 301. Je suis séparé de Larissa. Ce vœu que ma raison formait en dépit de mon cœur, depuis notre rencontre imprévue, est accompli. Je suis séparé de l'épouse de Démétrius, sans doute pour jamais. Cette chaîne invisible qui lia nos deux cœurs dès notre enfance est brisée. Près d'elle, aimé d'elle, je n'étais pas heureux. Ce qu'elle pouvait et voulait m'accorder ne pouvait satisfaire une passion aussi ardente que la mienne, et cependant, je n'aurais pas voulu que Larissa cessât d'être l'objet de mon admiration autant que de mon amour, la plus noble et la plus vertueuse des femmes. Ces désirs contradictoires, ce combat continuel minait mes forces. Il fallait mourir ou devenir indigne de vivre, et la fuite était le seul parti qui me resta. Du moins, je ne me suis pas fait illusion. J'ai vu le précipice où j'allais tomber, et peut-être entraîner avec moi la meilleure des femmes, et je me suis éloigné en frémissant. Loin d'elle, j'ai retrouvé mon énergie. Aucun sentiment doux et tendre ne vient l'amollir. Il n'est plus question de choisir entre la mort et la trahison. Le chemin du devoir est ouvert devant moi, et malgré les épines cruelles dont il est hérissé, j'y suis entré, je veux y frayer ma route et la poursuivre avec courage. Mais Phocion, ton ami est bien malheureux. La date de ma lettre t'aura appris que je ne suis plus à l'armée. L'intrigue et la cabale ont triomphé. Démétrius est éloigné du commandement. Les ennemis de cet homme sévère, mais vertueux, sont parvenus à tromper le clairvoyant Dioclétien. On lui a présenté les choses sous un faux jour. Il a fait ce qu'ils ont voulu, en croyant ne suivre que sa propre volonté. Il a ôté le commandement au général qui venait, au risque de sa vie, de lui conquérir une place importante, et son successeur est en chemin. L'amour-propre blessé de Démétrius n'a pu supporter cette injustice. Il a demandé sa démission au moment même, et il est prêt à partir avec son épouse pour vivre dans la tranquillité sur les bords du Bosphore. Ainsi Larissa se serait également éloignée de moi, mais j'ai dû partir le premier, et quoiqu'il m'en coûtât d'abréger les derniers instants de mon existence morale, j'ai cédé au devoir que m'imposait à la fois l'humanité et l'amitié pour sauver, s'il est possible, une malheureuse femme et mon ami, et je partis pour Nicomédie. J'ai joui avec une sordide avarice des derniers jours que j'ai passés près de Larissa. Je ne l'ai pas quittée un instant. Je me délectais dans les derniers rayons de mon bonheur. J'écartais cette gêne, cet embarras, qui depuis quelque temps m'éloignait d'elle. Je voulais au moins emporter avec moi le doux souvenir du bonheur, du seul bonheur que je puisse espérer, celui de me sentir aimé de Larissa. Elle comprit ce vœu de mon cœur et me traita avec la confiance d'une sœur et la tendresse d'une amie. Avec bonté, avec ménagement, avec la plus douce franchise, elle m'avoua qu'elle avait cru que je ne l'aimais plus, et rassurée sur ce point, elle pouvait supporter tout le reste. Oh Phocion, si tu connaissais cette femme vraiment céleste, qui s'est alliée dans son cœur tout le feu d'une passion ancienne, unique et malheureuse avec la pureté des anges. Si tu savais ce qu'on entend par ce mot d'ange, et quelle idée de sainteté et d'innocence les chrétiens y attachent, tu comprendrais mieux ce que je veux dire. Ces esprits aériens, immortels, qui n'ont rien de terrestre, et qui sont un des objets de leur croyance, ne sont pas plus innocents qu'elle. Que suis-je en comparaison, moi, livré aux désirs insensés de mon cœur, à l'agitation d'une passion désordonnée? Que de grandeur dans la paix de son âme, dans cette patience résignée qui lui fait supporter le poids de l'infortune! Que de richesse dans son cœur déchiré par ses propres peines! Elle y trouve encore des consolations pour son malheureux ami, et une tendre estime, un amour filial pour le vieillard chagrin et sévère auquel elle a associé sa vie. Et cette femme, telle qu'il n'en existe point, je ne la reverrai peut-être jamais. C'est avec cette cruelle persuasion que nous nous sommes séparés. Démétrius prit congé de moi avec une affection vraiment paternelle. Il fondait en larmes. Je reçus à genoux sa bénédiction. Il me la donna à titre de père et de chrétien, et je ne pus m'empêcher de baiser cette main qui porta si longtemps les armes et qui faisait le signe de croix sur ma tête. Non, Phocion, ce n'est point une erreur. Le christianisme élève l'homme à une hauteur inconnue. Dans ce siècle corrompu, égoïste, où les plus beaux sentiments ne sont plus qu'une chimère, où l'amour de la patrie, qui pourrait seul réveiller les hommes de leur sommeil léthargique, n'est plus qu'un fantôme sans force et sans pouvoir. Il paraît, dis-je, que la grandeur d'âme, le vrai courage, toutes les nobles facultés qui relèvent l'âme humaine, se sont réfugiées parmi les chrétiens. Ils pardonnent à leurs ennemis, ils prient pour leurs persécuteurs, pendant que les païens se permettent les représailles les plus cruelles, et qu'une secte de philosophes enseigne la vengeance, la déifie et lui élève des temples. J'ai trouvé ici des affaires qui m'ont forcément détourné de ma triste, douce et continuelle pensée. Le faible Tiridate n'avait pas su résister aux appâts de la volupté. Il était tombé profondément. J'ai éprouvé beaucoup de peine en le retrouvant dans cet état d'abjection, livré aux passions les plus honteuses et aux plus viles des femmes. Mais j'ai vu avec non moins de plaisir la force dont son âme est capable. La voix de la vertu et celle de l'amitié ont repris leur empire sur lui. Il a secoué ses chaînes déshonorantes et il est rentré dans le chemin de l'honneur. Il est vraiment étonnant de trouver réunis chez le même homme tant de courage et tant de faiblesse, le sentiment exquis de ce qui est bien avec un attrait extrême pour le mal. Tiridate est un de ces êtres chancelants entre la vertu et le vice, et se laissant entraîner à l'un ou à l'autre avec la même rapidité. Occupé de son amour pour une femme sensible et vertueuse, des plans d'une campagne, de ses projets pour sa grandeur future, il peut s'occuper en même temps et avec le même zèle de l'arrangement d'une fête, ou d'un rendez-vous avec une méprisable courtisane. Couché sur des coussins, entouré de parfums, couronné de roses, enivré de chants voluptueux, il paraît un efféminé sybarite. Il entend la trompe, il se relève, saisit son armure, court au combat et défie le dernier des soldats à supporter les privations, les fatigues et les dangers aussi bien que lui. C'est comme s'il avait deux âmes. La débauche de la cour, la galanterie éhontée de quelques femmes et la société des libertins les plus consommés avaient assoupi pour quelque temps la meilleure partie de lui-même. À présent, elle a repris son attitude fière et courageuse et la volupté est rejetée. Il est parti pour l'armée. Il a rompu à la fois tous ses honteux liens, et j'espère que je réussirai à le maintenir dans cette bonne disposition. Un des moyens le plus sûr est de lui parler de Sulpice. Elle était presque oubliée, mais son nom seul est le tableau de sa douleur et de son amour. On suffit pour éveiller le sien et anéantir ses indignes rivales. Livré au prestige des sens, son cœur était fidèle à cette femme intéressante par ses malheurs. Mes relations amicales avec Calpurnie sont renouées. Elle m'a écrit au sujet de Sulpice. Vraiment, Calpurnie est aussi un de ces êtres composés de deux âmes différentes, un Tiridate féminin. Occupée de sa figure, de ses talents, de ses succès, elle s'oublie elle-même pour ne penser qu'aux peines de son ami et aux moyens de les adoucir. Ben, coquette à l'excès, est cependant bonne et même quelquefois sensible, on ne saurait la définir. Elle est vertueuse par goût et par principe, et souvent affiche les opinions les plus légères, les plus inconsidérées. Je ne puis ni lui refuser mon estime, ni approuver sa façon de penser à plusieurs égards. D'après les bruits publics, son père est appelé par l'empereur comme proconsul à Nicomédie, et la famille entière doit s'y rendre au printemps prochain. Je suis encore incertain si je dois me réjouir ou m'affliger de ce que nos relations d'amitié se soient renouvelées. Calpurnie est aimable, mais combien elle est loin de cette Larissa perdue pour moi et que je devrais oublier. Adieu.